L'école supérieure de médecine de Pyongyang de l'université Kim Il-sung a mis au point le programme de lecture de l'encyclopédie de la médecine traditionnelle Patrimoine 1.0. L'encyclopédie synthétise le développement de la médecine coréenne jusqu'au XVIe siècle. Elle est transmise avec deux autres livres, Ubang Yuchi et Hyangyak Jipsongbang, et ils sont largement connus dans d'autres pays aussi. Le nouveau programme enregistre en PDF environ 1 million de caractères chinois chinois et 5 tomes de textes traduits et détient plus de 3000 termes de médecine coréenne, les données d'1 millier de médicaments coréens et le dictionnaire de 10 000 caractères chinois.